tu la connais pas, qu'est-ce que je faisais avec lui? De 5 à 7 ce jour-là, je devrais m'en souvenir. Si j'avais fait un tour de piste avec ce type, il faut croire que je suis pas physionomiste, donc ça s'est passé dans le noir. J'ai des trous de mémoire. Farceur qu'il aura.